pourtant ce matin vous êtes encore ivre. Nous étions pourtant délicieusement si insouciants d'encore rester longtemps des enfants. Que fais-tu sans moi? Parle-moi de toi. Qu'est-il advenu de ces moments passés à deux? Ivre de bonheur, que c'est beau d'être heureux. Oublie ces regards, marchons vers un nouveau départ. Salut, n'hésite pas. Plus que nos sourires, nos mots, nos éclats de rire, je te guiderai. Crois-moi, n'en doute pas. Au devant de la scène, tu sais, l'amour nous y emmène. Fin de te revoir, soif de te savoir. J'imaginerai de doux instants exaltés. Fin de me revoir, soif de me savoir. Là, tu dévoilerais le plus grand de tous tes secrets. Soif de te savoir, j'imaginerai de...